Mes amis, changez maître, changez métier. Moi, la compte nos bagages qui passent. C'est vérité ou c'est pas menti? Parce que toujours dit, oh oui, c'est coupé, t'as plein de foncer des bagailles. Mais je dis à une bonne vérité, hein, faut le capable d'entendre. Et bien, c'est ton camarade qui est le Marcel. Mais, si à vie, par contre, ça passe, monsieur, il vient barrer avec mon fille. Et puis, il dit, fille, elle remène. Non, parlez, fille, amène, monsieur Lakaïli. Elle arrive la Kaïli, il fait connaissance avec maman, fille. Il fait connaissance avec papa, fille. L'aime tout ça, faut pas plus. Il faut vivre dans la Kaïla. Depuis là, c'est chaque soir. C'est Vichita Kafia. C'est petit bouche, mais dans bouche fia pour la praler, tu la scraoul. Reprends-moi. C'est mettre maintenant petit bouton radio, lui. A chercher petit poste caso, petit poste rebelle. Reprends-moi. Et puis, j'ai descendu, petit menu, à dactylographier. Oui, oui, oui. Mais, quand il chante, à son cas, il cante. C'est pas qu'on a qui condition là. C'est qu'on est pas qu'on a fait le feu école là. Mais, là, j'ai vu la Kafia. Il n'y a pas jamais manqué dans la chambre. C'est toujours salon avec galerie. Et puis, il y a aussi tellement vu habitué ensemble. Monsieur Vigné, on a bien ça avec nous dans la là. Monsieur Apontré sort en dedans. Et bonjour, monsieur sort en dedans. La passé. Et puis, il voit les yeux dans la cabane fille. Lui, ouais, il y a un zi coqué. Il regarde les boys ici, il y a un fils de Spenfield. Il regarde l'autre bord, il y a un 45. Il garde la tête à mon nom, mais non, on peut comme un cas qui coupe la tête à mon nom. Oui, ah, monsieur Finot qui est dans la là, monsieur Bagadi, rien, c'est Géoué, bouche paix. Monsieur Boula, fille, boule, boule. Boule, boule, boule avec fille dans la oh, oh, bonjour, ça vient passer, monsieur, vous connaissez, bon bagaille, femme toujours fait. Par exemple, elle est dans la ville, elle est dans la vous comprenez moins. Il dit toujours qu'on va aller faire comme d'adou. Il doit avoir un petit coup de charme. Bagay, si on l'épouse un petit coup de charme. Mais moi-même, changer non. Je vais aller le coup de charme. Il aurait ça. Tu voudras. Tu voudras. Il peut être fièrement aller avec tu voudras. Donc, on va aller avec un petit cap. Il va pocheter, il va pas encore. Il va te faire ta tête. Comment est-ce qu'il a son caïcanté? Je ne pas comme ça. Je ne pas comme si fille à tes fillettes là. Si tu es premier sergent, je dis ça. Il bat contre bagage ça, si t'es témoin Jéhovah, il bat contre bagage ça. Ça vient de libre net. Oh, vu avec fille. Bonjour dimanche, j'ai vu manger Kafia. J'ai vu bien manger, non bien manger. Et puis, pourquoi on est des bons noms qui manger bien manger? Vont tout plein correctement. Ouais, l'autre bagage pour faire, pour qu'on finisse. Comment c'est rentré? Au bécaille, c'est rentré. C'est quand tu bouges chez misette, 16e zoubi. Il a grandi pour Jibon, 3-8e zoubi. Et puis il a couché sur le cabanon, il a parlé causé, il a parlé au cirque de bagaille longtemps, bagaille, allumé les vignes, bagaille ça y est. Par contre, ça a fini de passer. Mamzelle font virer d'oile. Et puis Marcel fait ça le garder dash. Fia, son quoi le chéri, Fia? Chérie, si tu as jupe transparente, j'aperçois des moustaches. Oui, soit attendez ya. Cap Marcel prend vent, Marcel cap en l'air, cap il prend vent. Oui, oui. Dans un autre moment, on va de Marcel qui fait. Chérie, en alpha, en alpha, en alpha. Oui. Fia même des trois besoins bagaille là. Fia couché sous dos, ouvert zéli. Marcel même barrette. Oui. Zouka, chit, zouka, oui, oui. Mamzelle dit garder non Marcel, Marcel, pas femme soit femme non, pas femme soit femme, pas permet tout femme soit femme non. Descends nous carbone non, habillé ou, m'a pas arrêté ou. Marcel dit oh, chérie, soit faire comme ça, soit faire comme ça. C'est Marie ou soit faire comme ça, c'est Marie ou soit faire comme ça. Madame Marcel dit détail. Faut arrêter ou descendre cabane habillé ou. Madame Marcel lève le point, il met sous lit. Il prend cartouche, elle passe dans René. Il prend fusil, il met dans Donny. Il dit Marcel devant. Ouais Marcel, même pour diable, il va aller. Il va trouver qui s'en tape tomber.